Thank you. ça, c'était vraiment au début, c'était hip-hop premier. Moi, je te parle de ça. Moi, je te parle de ça. Moi, je te parle de ça. Moi, je te parle. J'ai écouté sur radio. J'écoutais radio 7. Voilà, j'écoutais radio 7. Voilà, j'ai. Voilà, j'ai. Pas des soirées, non, non. Enfin, bon, à Je l'hôtel, quoi. m'entraînais dans ma chambre à coucher, mais plein, comme plein de jeunes qui font ça en rentrant de l'école. Pas des soirées. Technique de survie. Chasser ma nourriture. Chasse. Je vais vous montrer comment faire.

génial. C'est génial. Tu crois qu'il y a encore un dinosaure dedans? Plein de petits morceaux comme ça. Pour trouver. C'est alors beaucoup diversifié. T'as un pas de dinosaure. Dinosaur. Dinosaur. Thank you.